sans Gérard, hein, comme d'habitude. Ça va, Olivier? Moi, ça va bien, mais comme d'habitude, Gérard n'est pas là. Bah voilà. Bon. Alors, Bon, pas les habituels, hein. Bah, Gérard, tranquille, hein. Surtout, non, mais tu dépêches pas, c'est pas grave. On n'est pas en direct. Bonsoir à tous, excusez des petits retards. Donc, on a l'habitude. On va accueillir Estelle, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Lisa, bonsoir. Bonsoir Gérard. Cécile, bonsoir. Bonsoir Gérard, mon petit Père Noël. D'accord. Sylvain, bonsoir. Allô Sylvain. Sullivan. Sullivan. Ouais. Ouais, bon. Ça va. La vie est belle. Salut, Jérôme. Bonsoir tout le monde. Salut, double Saron. Bonsoir. Salut. Là. Bon, je vous préviens que le premier débat, s'il se passe mal, il n'y en a qu'un. Hein. Donc, je préviens quand même les trois mecs. Hein. Réveillez-vous. Pourquoi les trois mecs? Pourquoi les mecs tout de suite? Comment? Faut qu'on ait les gonzesses. Ouais, ben, les gonzesses... Déjà, celui qui s'amuse à avoir du monde derrière, c'est pas la peine. Il va aller faire un petit stage au standard, voir Manu si... Gérard, j'ai envie de toi. Bon, allez, ouais, moi aussi. Tu me les cannes déjà, ces trois-là, pour commencer. Donc, ah, alors... Tu n'as même pas commencé, tu gueules déjà. Bah oui, mais c'est bizarre, c'est comme ça maintenant. Ça va être comme ça. C'est à cause de Christine, ça. Il s'échauffe. Ouais. Alors, aimez-vous les gens du chemise? Alors, double... Sentir ton corps. Oh, ça y est, vous vous calmez, là, s'il vous plaît, ou sinon j'arrête tout de suite. Bon, qui t'a fait? Bon, Manu, s'il te plaît, tu me les calmes. Manu, dis à Gérard qu'il m'excite quand il s'énerve. Bon, allez, hop. Oula. Allez hop, tu me le vires. Bonne nuit pour celui-là. Ça commence déjà bien le premier débat. Ouais. Donc aimez-vous les gens du showbiz, alors Cécile? Mon petit Gérard, est-ce que j'aime les gens du showbiz? Ta gueule. C'est sur les quatre chevals, c'est ça? Comment? Non. Ta gueule. Bon, Manu, s'il te plaît, tu... Bon, et moi, je commence pas le débat avec des conditions comme ça, que les mecs, ils s'amusent à dire ta gueule sans... Gérard, c'est toi qui me dis ta gueule? Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Bon, toi, tu t'écrases sur ton standard. Bonne nuit. T'es vraiment mal poli. C'est pas moi. Mais si, bah attends. Non, bah, tu pourrais. Celle qui dit que c'est moi, tu pourrais faire attention quand même à la voix qui le dit. Donc, Cécile, je te dis. Ouais, tu viens de le dire, là. Cécile. Gérard, je peux répondre? Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Moi, j'aime bien les gens du showbiz parce que ça me permet de rêver. Mm-hmm. Tu vois? Donc, c'est un monde plein de paillettes et je rêve. D'accord. Et toi, oui. Voilà, c'est plein de strass. Ça brille partout, donc ça me fait rêver, voilà. Mmh, ok. Et toi, Lisa? Moi, je suis d'accord avec elle, mais dans le sens où, en fait, ils font tellement ce qu'ils aiment qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils s'éclatent, ils se biturent la tronche, ils en ont rien à foutre, parce que de toute façon, c'est showbiz, et ils savent que bah, ça s'arrête pas, quoi. Mmh. Ils sont remplis de thunes, ces types-là. Pétés de thunes, et ouais, agis, quoi, c'est cool. Ok. Sylvain. Il est parti, c'est celui qui t'avait dit ta gueule, je l'ai viré. Ah bah attends, c'est bien, c'est bien. T'as bien fait. Alors Jérôme? Oui, moi, les gens du showbiz, c'est surtout les filles sexy qui courent en maillot de bain rouge sur les plages de Malibu. Mmh. Ça, c'est... Non mais attendons, je suis sérieux là, attention. Oui, oui. Un petit peu sérieux. S'il vous plaît. Oui. Donc je trouve ça, ça me fait rêver. Gérard, avant de commencer, on va accueillir Sylvie à la place de Sullivan. Donc. Vraiment un gros con. Bon allez hop, tu me vires celui-là, ça y apprendra. C'était une fille. Hein. Non, c'est pas une fille. Hein. Justement. Si, Gérard, c'est une fille. Non mais attends, de toute manière, je reconnais, c'est quelqu'un qui a une nana derrière lui qui s'amuse à dire ça. Ouais, d'accord. Donc alors, Sylvie, j'en ai bonsoir. Derrière moi. Gérard. Oui, Sylvie, bonsoir. Tu vas bien, mon amour? Ça va. Donc, Gérard. Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Je voudrais te dire quelque chose. Ouais, bah dis. Toi, Gérard, en fait, t'es un show business. Bah, de toute manière, vous verrez bien les questions au fil des... Au terme. C'est lancé, Gérard. Vous verrez les questions. Non, oui, Gérard, Sylvie. C'est quoi les questions? Sylvie. Oui. Alors, c'est quoi la première question? Aimez-vous les gens du showbiz, Gérard? Bah, en fait, ça dépend. On accueille Mokhtar aussi. À la place, double savon. C'est quoi? Moi, j'aime bien les stars, quoi. Mais bonsoir, le monsieur Gérard. Ouais, Gérard, ouais, c'est soir. On peut considérer qu'il fait partie du showbiz. Mmh. Allô, Gérard? Ouais, ça y est, on t'a entendu, Mokhtar. Bonsoir, je suis moi-même producteur du showbiz. Ouais, mais ça y est, mais pour l'instant, tu laisses parler Sylvie, s'il te plaît. Tu laisses parler Sylvie. Ouais, j'aimerais bien dire quelque chose. Bah, par exemple, pour les gens qui commencent comme un MD, quoi, qui commencent à se faire connaître dans le cinéma, moi, je considère ça comme le nouveau showbiz et j'apprécie vraiment beaucoup, quoi, parce que c'est de la qualité. Et baisse ta culotte et tout ça, franchement, je crois que c'est super curseur, ben ouais. Ok. Et toi, Estelle? Bah moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si le showbiz, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement rêver, mais je pense qu'à côté de ça, c'est ce qu'on nous laisse voir. À côté de ça, à mon avis, ça va être quand même vachement dur. Il doit y avoir des trucs. Oh, s'il vous plaît, vous restez poli derrière parce que tout à l'heure ça va gerber sec encore. Je sens qu'il y en a deux qui vont déménager. Bon, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Jérôme, c'est pas toi qui commande, d'accord? C'est d'accord, moi pour d'accord. l'instant. Alors tu t'écrases, ça t'apprendra. Ok, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Jérôme, tu dégages. Monsieur Gérard. Jérôme, tu dis à Jérôme que c'est pas lui qui commande lors des débats, que c'est moi. Ah, si c'est le plus il dégage. Ok, je vais le calmer. Mokhtar, monsieur Gérard, c'est-à-dire que moi-même je suis producteur de rail. C'est-à-dire que je suis grand producteur d'une grande rail chanteur qui s'appelle quelque chose, je peux pas dire pourquoi c'est secret. Et je pense que vous pouvez faire grande carrière show business. Bon, ok, c'est bien. Pour donc, deuxième, vous voyez qui c'est? Mais t'es déjà connu à la loco, hein? Qui c'est qui veut rajouter quelque chose? Moi, Gérard. Qui? C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Oui, je vais te dire, Gérard, toi, t'es show business, au fait. Il est très chaud. Ouais, Mokhtar, s'il te plaît, tu te tais. J'ai le droit de donner mon avis. Mokhtar, pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît. Gérard, t'es chiant. Bon, allez hop. Je vais laisser parler, hein. Tu me dégages celui qui a une nana derrière, ça y apprendra. Alors, allez-vous souvent voir les stars du show business chez elle? Non, Gérard, Somitel, il y a un message parce qu'on parlait de la loco, justement. Il y a Rose qui dit, Somitel, donc, qui habite à Paris, qui a 26 ans. Tous les vendredis soirs à la loco, il y a un sodomisateur qui commence à se faire connaître. Qu'en penses-tu? Ça aussi, c'est du showbiz? Bon, écrase, Mokhtar. De toute manière, je crois que j'avais bien dit hier quand je suis venu dans les locaux que je voulais pas entendre parler de ça. Donc, sa question, j'y répondrai pas. Comme ça va plus vite. C'est de la concurrence déloyale. Voilà. Donc, alors, Sylvie? Oui. Donc, t'as entendu la deuxième? Est-ce que j'aime bien voir les stars chez elles? Oui. Non, je peux pas trop, quoi, parce que faut savoir où elles habitent, en fait. En fait, c'est pas trop qu'on veut pas, c'est plutôt qu'on peut pas, quoi. Exactement, quoi. Si on pouvait aller voir les stars chez elles, et bien sûr. Si ça t'intéresse, j'ai l'adresse des George Clooney, si ça t'intéresse. Moi, j'ai des gens qui veulent faire quelque chose de Cité Carnot. Tu as l'adresse de Khaled? Dors, celui-là. Allez hop, Jérôme, bonne nuit. Jérôme, bonne nuit. Gérard? Ça y attendra. Merci. Qui c'est qui vient de dire ça? Gérard, poupée Barbie. Qui c'est qui a parlé du pont d'Alma, là? Cécile, tu disais donc? Oui, mon petit chou, je vais donner un scoop. Gérard, oui. J'ai vu Matt Dillon, moi, en personne, avec sa fiancée. Ah, je les connais, les tempêtés. J'ai vu Jean-Marie Bigard. Et tu vois, et je vais te dire, alors je peux répondre à la question? Bah, moi, oui. J'aime les stars du show business parce que, par exemple, toi, star du show business, tu fais ton show tous les jeudis, et tu fais du business, très chaud, pour fun. Et donc voilà quoi, moi j'aime bien les stars du show business dont toi tu es une figure de pro, quoi. Moi j'ai pas que Gérard il a appelé Maddy Londres à la radio, c'est possible. Lisa. Moi je t'ai répondu tout à l'heure en disant que c'est pas le fait de pas pouvoir, c'est le fait de pas vouloir mais pas pouvoir, en fait. Estelle. Moi en fait je connais qu'une star du show business, c'est toi, Gégé. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir aller chez toi et je suis très heureuse. Merci pour celui qui a du Larsen derrière, c'est sympa. C'est pas moi, j'ai pas tellement compris ce que Estelle m'a dit parce que. Mokhtar, s'il te plaît, tu la permes ou tu vas dégager quand on peut parler, d'accord? Merci. Mokhtar, tu t'écrases, s'il te plaît. Gérard, calme-toi, je vais répéter. Bon. Coton-tige dans le cul. Oh là là, ouais. Tu me calmes là, celui-là là? Non, c'est une nana. C'était une fille, Gérard. Ouais, à mon avis, c'est pas une des quatre, hein. C'est je pense pas. Oui. Gérard, mon petit chou, c'est Cécile. Non, mais attends, je voudrais que Estelle répète parce que Mokhtar il l'ouvrait au moment que Estelle voulait me dire quelque chose. Mokhtar, tu le calmes, s'il te plaît. Tu dis à Mokhtar qui se calme. Allez, Mokhtar, bonne nuit. Gérard, Mokhtar il est pas à l'antenne là. C'est qui? Ça peut pas être lui. Il est pas à l'antenne. Il y a que les filles à l'antenne là, Gérard. Bon, celui qui s'amuse à faire ça, il est prié d'arrêter. Mais c'est pas celui, c'est celle. Bon, Sylvie, t'arrêtes, s'il te plaît. C'est pas moi. Cécile, t'arrêtes. Ah, non, c'est pas moi, Gérard. Il s'arrête pile quand tu lui demandes. Ouais, c'est bizarre, comme par hasard. Donc, Estelle, si tu pouvais répéter. Oui, alors je répète. Ouais, donc, je disais que je ne connaissais qu'une seule star du showbiz, c'était toi. Et que j'avais eu la grande chance de pouvoir aller chez toi et que j'étais très heureuse. D'accord. C'est vrai que ça pue. Comment tu fais pour aller chez lui? Attendez, qui c'est qui vient de poser une question qui est complètement con? C'est vrai que ça pue. Alors, elle a dit qu'elle peut aller chez lui. Estelle, oui. Si tu pouvais répondre à la question de Sylvie qui vient de dire une connerie plus grosse qu'elle. Bah pourquoi? Donc qui m'a dit tu l'as pué. Oui. Non, je pense pas, non. Voilà. Tu penses ou tu penses pas, tu le sais. Monsieur Gérard. Gérard. Oui. Gérard. S'il vous plaît. Oui, Cécile, dépêche-toi, parce qu'on va attaquer. Je voulais poser une question à Mokhtar, le producteur. Le producteur de mes deux, ouais, vas-y. Voilà, donc je m'adresse à vous, monsieur le producteur. Je voulais savoir quel rôle vous donneriez à Gérard pour... C'est-à-dire que j'ai produit un nouvel film qui s'appelle une nouvelle production qui s'appelle Collégienne perverse. C'est un très bel film, beaucoup de décors dans la nature et dans le grand château, avec beaucoup de scènes, beaucoup de pièces différentes. Ouais, c'est ça. Et avec des animaux. D'accord, avec des animaux. Hey, en France, on dit des animaux, hein. On dit pas des animaux. Je préfère partir. Je préfère ne pas rester dans les débats. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, monsieur Gérard. Salut. Alors, une question qui va s'adresser au Star System, et ça, je pense que toutes les filles vont me répondre oui à 100%. Pensez-vous que Max fera du showbiz plus tard? Non. Qui non? C'est Lisa. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas son truc. C'est pas son truc, c'est tout. Mais Tu peux lui demander, dire que c'est pas son truc. Ouais, mais pourtant... Ça va 5 minutes pour se montrer un peu, mais bon... Mais pourtant... Ça le lassera, mais attends, je parle. Je pense que ça le lassera bien vite, quoi. C'est pas un truc, non. Je pense pas que ce soit un truc qu'il attire. D'accord. Préfère toi recevoir des mecs dans son... Merci Olivier. Olivier, s'il te plaît, là. Tu veux pas comme tout le jeudi. Oula, ça tourne. Ouais, ça tourne. Une voix bizarre, Gérard. Non, mais c'est Olivier. C'est Olivier qui joue. Donc, Cécile. Oui, Gérard Moutisséry. Bah moi, je dis que oui. Tout à fait. Max va être une star du show business parce qu'il est beau... Il est talentueux et ça va venir, quoi. D'accord. Ça sera plein de paillettes. Ça sera une star du show business, je le confirme, Gérard. D'accord. Sylvie? En fait, moi, je pense que il a pas vraiment la grosse tête, quoi. Il sait croire qu'il l'a, mais il l'a pas, donc je pense pas qu'il fera partie du show business. Ouais, mais ça n'a rien à voir, hein, Gérard. Non, mais c'est pas moi, c'est lui qui pose la question. Ça n'a rien à voir. Il répond à la question. Bah, si, parce que s'il aurait vraiment la grosse tête, eh ben, il rentrerait de... Mais non, une star, ça veut pas dire qu'elle aura la grosse tête. Mais qu'est-ce que t'appelles show business? Est-ce que c'est traîner avec des gens célèbres ou est-ce que c'est être vachement connu? Non, mais c'est d'être avec des chanteurs célèbres et puis se faire voir comme il fait là à l'heure actuelle sur M6. Pour pas citer de trucs. Donc, et toi, Estelle, pour finir? Bah, comme tu viens de le dire, là, il vient de débuter une nouvelle émission sur M6, donc à mon avis, il est déjà dans le show business. D'accord. Je voudrais dire au passage, Gérard, que Technomax a été vraiment bien. D'accord, ok, je vous remercie pour moi, j'ai bien aimé ce que tu avais fait dedans, surtout. J'ai rien fait dedans. Ah, pardon. J'y ai joué celui-là. Je voulais dire que sur, quand même, sur le Minitel, tu fais vraiment exploser les scores. Pourquoi? Bah, depuis que tu es arrivé, on était zéro quand Max est parti. On a 17 connectés. Et il y a quelqu'un qui te demande si c'est vrai que tu avais fait des choses cato à la loco avec Christine. Ça, je répondrai pas. Voilà, comme ça, c'est clair et net. Gérard, avant une autre question, on accueille Anthony. Gérard, Anthony. Bonsoir les filles, bonsoir jeune gazelle fougueuse. Bonsoir, jeune père. Gérard. Ouais, ben c'est bien. Non, merci. Gérard, caresse-moi. Bon, tu vas te calmer, tu vas tout à l'heure, ça va dégerber au standard. Hein. Bah attends, ça devrait faire plaisir, Gérard, à te demander de la caresser. C'est vraiment un gros con. Bon ben, Gérard, alors qui c'est qui s'amuse à sortir ça? C'est moi. C'est qui, moi? Ta gueule. En fait, j'ai une poupée qui s'appelle... C'est qui, moi? C'est moi, Lisa. Bon, tu dégages. J'ai une poupée qui s'appelle Barbie Christine. Quand tu lui appuies sur le ventre, c'est toi. Lisa, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, Lisa. Bonne nuit à ma Barbie, quand même. Bonne nuit, Gérard. Bonne nuit, Lisa. À la prochaine. Voilà. Première nana de la soirée qui dégage. Anthony, au revoir. Voilà, alors, il reste plus que Sylvie, Cécile et Estelle, c'est bien ça? Oui. Donc, alors, à votre avis, Non. Pensez-vous qu'un jour, je ferai du showbiz? Pour l'autre, qui sait qui se marre comme un pourri. Il y a un sondage quand même, il y a deux jours, dans le service vétérinaire de Paris. Le service vétérinaire de Paris a retrouvé à Longchamp tous les chevaux avec la queue coupée. On pense que c'est quelqu'un de Suresnes qui réagit. Non, mais attends, pour l'instant, c'est le monde du showbiz, c'est pas le thème sur les queues de cheval. Pardon. Je vois pas le rapport, le sondage signé Manu. Excuse-moi. Bon alors, t'as quelqu'un? J'ai Jean-Bernard. À la place. À la place de Noctar. Qui c'est qui s'amuse à dire ça? Pas moi. Bon, ok. Jean-Bernard, bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard. Salut Jean-Bernard. Ouais, bon. Bonsoir les filles. Ouais, bah tu me le réveilles un petit peu lui parce qu'il a l'air de. Il est bègue. Bah oui, c'est qu'il est bègue, Gérard. C'est pas de sa faute, ça va te dire. Lui, alors, Sylvie. Oui. Donc, t'as entendu la question? Est-ce que t'as des chances de faire partie du showbiz? Ouais. Moi, écoute, je pense qu'en changeant le look, enfin, peut-être que ouais. D'accord. Ça va savoir. Ouais. Cécile? Cécile? Cécile! Et mon fichou, Gérard! Eh, Cécile, tu travailles ou sinon tu vas faire comme Lisa tout à l'heure? Oui, bah je vais te répondre! Gérard! Oui! Moi je suis sûre et certaine à 100% que tu seras effectivement une star du show business. D'accord. Parce que t'as du talent, Oui, super c'est mignon. Mmh, ok. Ouais. Bah, Léon, c'est pour me donner des gants que tu dis que je suis super mignon, tu m'as jamais vu? Ah, bah si, je t'ai vu sur Fun TV, hein! Quand? La semaine dernière, Gérard! Ah, d'accord. C'est hyper mignon avec. Oui, ben, fini. Avec ta moustache, Gérard. D'accord. Estelle? Eh ben, moi, je suis sûre aussi à 100% que plus tard, tu seras une grande star du show business. Allô? Parce que je trouve que t'as un look à toi, look à toi, enfin bref, quoi, à mon avis, tu vas casser la baraque. Et Jean-Bernard, tu voulais poser sa question. Ouais, ben, Jean-Bernard, vas-y. Comme tu fais partie du show business, ouais. Il y aurait voulu un conseil et... Je te traduis Gérard. Gérard, il a dit que comme tu fais partie du show business, il aimerait avoir un conseil de ta part. Allô? Ouais. C'est bien ça, Jean-Bernard? Oui, c'est ça. Tu veux faire partie du show business? Olivier, s'il te plaît, double son. Un grand acteur. J'ai rien. Double son, tête me là, je crois que tu t'as mis au con. Arrête de jouer comme ça, c'est le premier débat. Mais Gérard, sois gentil avec lui, les mecs, c'est pas ta faute. Pourquoi tu prends la sport d'Olivier? Pourquoi tu prends ta grosse voix? Ouais, pourquoi que je prends ma grosse voix si tu t'amuserais pas à appuyer sur un bouton, ça irait mieux, hein, peut-être. D'accord? C'est peut-être enrhumé, Gérard. Non, je suis pas enrhumé, c'est Olivier qui s'amuse avec les boutons. Avec le micro. Non. Donc, alors, à votre avis, combien gagne une star du showbiz? Donc, on va demander à Jean-Bernard. Merci pour la réponse. Ouais, bah vas-y, combien gagne une star du showbiz, s'il te plaît? C'est la cinquième question, hein, Jean-Bernard. Beaucoup d'argent. Mmh. Ok. Gérard devrait travailler dans une boucherie charcuterie. Il serait connu en star de showbiz. C'est ça. C'est bien. C'est bien pour celui qui s'amuse à dire ça. C'est en Minitel. C'est super sympa. Gérard, oui. Je voulais juste dire au revoir. Allez, salut Jean-Bernard. Merci. Salut. Conseil. D'accord, ok. Ok. Sylvie? Oui. Donc, pour toi? Combien gagne une star du showbiz? Ouais, à peu près, hein, pas un chiffre. Moi, donne pas, un chiffre. À 10 francs près. Du bénévolat à 0 francs, à, je sais pas, 65 milliards ou. Mm-hmm. Ouais, c'est. 65 milliards de francs? Bah oui! Bah, les noms! C'est déjà dit, bien sûr. Bah, tu ouais, bah, là, le mec, je crois que les Porsche, elles peuvent rouler. Le magasin de Porsche, il peut fermer boutique alors avec toi. Hein. Gérard, oui. C'est Cécile mon petit chou. Oui. Je vais te poser une question. Oui. Si tu gagnais autant de milliards, qu'est-ce que tu t'offrirais? Déjà, ce que je m'offrirais, parfum. Déjà, ça serait une maison. Mm-hmm. Bon, c'est qui ça qui joue là? J'en sais rien, Gérard. Qui joue? Je me demande si c'est pas Sylvie par hasard. Ah non, c'est pas moi. Moi, je suis tranquille là. Ouais. Tiens, c'est comme par hasard, dès que tu dis que t'es tranquille, ça s'arrête. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, pas prendre les gens pour des canards sauvages, hein, demande. Mais tu prends pour un canard sauvage. Non, mais tu m'y laisses. C'est pareil. Gérard, oui. Tu ne réponds pas à mes questions. Bah, vas-y, réponds. Bah, non, mais je te posais la question. Bah, moi, je viens de te lire avant Gérard. Oui. 30 secondes, on accueille Antoine. À la place. À la place de Jean-Bernard. Oui. À la place d'Anthony. Oui, bonsoir. Salut, bonsoir, Antoine. Salut, Antoine. Salut, Antoine. Salut. Allez, donc, Cécile. Bon, ça y est, Antoine, tu commences pas à faire tes déclarations d'amour. Pour l'instant, on est c'est pas le thème du débat. Je pourrais te dire que je t'aime au standard. Non, bah, pas moi. Donc, Cécile. Oui, Gérard. Bah, alors, pose ta question. Bah, à votre avis, combien gagne une star du showbiz? Ça peut être deux fois que je la pose, hein. Moi, ils doivent gagner des millions et des millions, hein. D'accord. Parce qu'on peut pas te donner un chiffre, c'est exorbitant. Ouais. Estelle? Bah, Estelle, ma petite colombe adorée, là. En fait, ça dépend des stars. Il y a des stars qui vont gagner 10 000 francs par film et d'autres qui vont gagner des millions. Ça dépend de la notoriété, en fait. Ok, bah, ok, la colombe. Rassure-moi. Ouais, Antoine? Oui, rassure-moi, j'ai une question à te poser. T'es pas payé, là? Pour l'instant, je réponds pas à ta question, toi. Pour l'instant, tu vas répondre à la mienne. D'accord. Moi aussi, je voulais dire que ça dépendait des artistes. Mm-hmm. Ça dépend. Il y en a qui font du cinéma, ils sont très bien payés. Mm-hmm. Ils en branlent pas une. Il y en a qui font de la télévision, ils n'en branlent pas une non plus. Ouais, exactement, ouais, Technomax, d'accord. Tout ça. Ouais. Comment? Non, rien. Alors, Antoine, je te préviens d'une chose. Quoi? Que là, ce que tu viens de dire, ça m'a pas fait plaisir. Alors, je te préviens, tu te calmes là-dessus, ou sinon, tu vas dégager au standard. J'ai rien dit. Non, t'as rien dit, j'ai vaguement entendu un truc qui m'a pas fait plaisir sur le stage système. Alors, attention à toi. Et il paraît que M6 est sur un projet de Techno Gérard, mais on n'en sait pas plus. Qui? M6. Qui c'est qui parle comme ça, là, des chefs de la loco, tout à l'heure, qui va se retrouver au standard vite fait, bien fait? C'est encore celui, ça. Ah non, mais moi, je suis... Oh si, arrête, c'est bon. Non, mais attends, Antoine, toi, pour l'instant, j'étais dans le collimateur. Alors, fais gaffe à toi. Gérard. Oui. On accueille une grande star dans les débats de Gérard. Oh, Garcimore. Ouais. Je connais Garcimore. Oh, la boutique. Eh ben, il vient d'appeler. Bonjour. Allez, on y va. Bon, Garcimore, tu réponds s'il te plaît, parce que je veux pas m'endormir là, il reste encore 6 questions. Olivier, s'il te plaît. Tu gagnes combien? Combien gagne le star du showbiz? Olivier, s'il te plaît, le gagne le star, merde! Hé, Gérard, calme-toi. On peut considérer que Garcimore fait partie du showbiz, donc on peut lui poser la question. Je suis grande star. Ben voilà, donc tu gagnes à peu près combien? J'ai gagné à peu près 1500 francs par tour de magie. 1500 francs par tour de magie? Avec tac et tac tac. Est-ce qu'on pourrait écouter Gérard, s'il vous plaît? Ouais, vas-y Gérard. Gérard, s'il te plaît, mon petit chou. Ouais, on accueille Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Lucie. Salut, Lucie. Allez. Ouais, tu me coupes le double son, là, s'il te plaît. Olive. Ah, moi, j'aimerais répondre à ta question. Oui. Savoir le montant, enfin, le cachet des stars. Quand tu tournes un film, quand tu tournes un téléfilm, par exemple, le prix le plus bas, c'est pour les figurants, c'est 270 balles. D'accord. J'ai passé une nuit, tu gagnes 500 balles. Un acteur pas trop connu gagne pas très cher. Depardieu prend 50 000 balles par jour. Moi, c'est dommage parce que je pense qu'avec lui, le débat, j'aurais pas pu en placer une. C'est dommage qu'on puisse pas avoir notre alcoolo de service d'hier soir qui s'amuse à m'insulter comme du poisson pourri. C'est dommage parce que lui, pareil, qui connaît tous les acteurs de cinéma et qui tourne avec tout le monde, je voudrais bien. Je voudrais bien savoir qui c'est. Je voudrais bien que. Non, mais c'est bon, ouais. Bon, je préviens, entre Sylvie, Cécile, Lucie. Gérard, moi je suis calme. Hein. Ouais, ben je sais. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont calmes. Hein. Gérard, mais c'est gentil pour moi, Gérard. Lucie, s'il te plaît, tu vas t'écraser avec ça parce que tout à l'heure, tu vas dégager vite fait, toi. C'est gentil, mais là, ça fait 5 minutes que je me tais. Donc, c'est pas toi. Alors, ça peut être que Sylvie. Moi, je suis là, je suis calme, je dis rien. Ouais, ça s'arrête à chaque fois qu'elle parle. Comme par hasard. Mais non. Comme par hasard. Sylvie, on a compris. Ouais, comme par hasard. Non, il y a quelqu'un qui me fout trop trop là, c'est pas possible. Moi, je dis rien du tout. Hein. Bon, Gérard, reviens sur le débat, allez. Bon, allez, sixième question. Pensez-vous que les stars du showbiz sont heureuses? Ah, attends, il y a une question sur Mitel. Est-ce qu'il est vrai que dans le livre des records, GG détient le record du nombre de coton-tiges dans le cul? Je répondrai pas. Il serait de 25 000. Ouais, c'est bien. Bon, tu la poses ta question? Ça y est, je viens de la poser. Bon, c'est quoi ? Pensez-vous que les stars du showbiz sont heureuses ? Voilà, alors Antoine, comme tu viens de jacter, ouais. Bah, tu vas répondre ? Comme je disais, bah, elles n'en branlent pas une et puis elles sont bien payées. Je me demande si elles sont heureuses, je te demande pas si elles sont bien payées, abruti. Oui, mais non, je disais, mais parce que tu m'écoutes pas. Si je t'écoute, abruti. Non, mais pourquoi tu m'insultes comme ça ? Moi, je viens comme ça, je sais pas, je t'insulte pas, je suis gentil avec toi et... Non, bah alors. Non, Antoine, tu réponds. Attends 5 minutes, Cécile, s'il te plaît. Oh. Je pense qu'elles sont heureuses, les stars. Déjà, elles gagnent bien leur vie. Mm-hmm. Et pour ce qu'elles font, ça vaut le coup. Quand je vois toute cette misère dehors, ce matin encore, je suis sorti, je suis allé dans le métro, ces gens qui font la manche. Hein, dépêche-toi. Tous ces gens-là. Ces gens qui gagnent des milliards. Ouais, mais c'est bon, mais pour l'instant, c'est pas le thème du débat. Oui, hein, je voudrais. Ouais, non, mais c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème du débat, ça. Bon, mais je voudrais pousser mon cri d'alarme. Oui, ben, d'accord. Ça y est, tu l'as poussé, donc on va demander à Sylvie ce qu'elle en pense. Bah, moi, je pense pas qu'on puisse être heureux en faisant partie du show business, parce que, je sais pas, quand je vois le cas de Lady Di... Non, mais c'est bon, Sylvie, j'ai dit qu'on... Lady Di, elle savait pas qu'on était pas pareil. Je sais pas ce qu'on disait, mais elle faisait partie du showbiz quand même, et je vois où elle a fini, ben voilà, quoi. Non, ça y est, c'est bon. Sylvie, je crois que j'avais bien précisé, si t'as écouté hier le... La libre antenne, que avant qu'on Max passe. Ni de Pont de l'Alma, ni de Carole, ni de. D'accord, okay. Je savais pas. Ce serait bien que celle qui s'amuse à dire que je suis chiant comme ça tout à l'heure, elle va dégager. Et je vais pas chercher qui c'est. Hein. Ah, ça peut pas être moi qui suis en train de parler. Hein. Donc ça peut pas être. Alors c'est. Oh. Cécile. Attends, de toute manière, je vais savoir qui c'est. Oui, mon petit lapin sucre. Moi, je pense que les stars du show business sont des gens qui sont malheureux. Parce que je pense qu'ils ne vivent que la nuit. Se cacher tout. Et ils sont tout le temps harcelés par les paparazzi. Mmh. Donc, ils n'ont pas une vie agréable. D'accord. Lucie ? Moi, je pense que qu'elles sont comme nous. Quoi. Après tout, c'est des stars, mais c'est des êtres humains. Et ils en chient, ils en bavent. Et puis, ils gagnent du fric, ils font un boulot qu'ils aiment, donc ouais, ils sont autant heureux que malheureux, mais c'est comme nous, quoi, faut pas s'imaginer, quoi. C'est un choix à faire, quoi. Ah, ok, et la colombe des Zimbabwe, là ? Tu connais le pont de l'Alma ? Ah, c'est elle. La colombe des Zimbabwe ? Oui, bah j'ai compris, je me suis reconnue. Moi, je te dirais que, comme ici, je pense que les stars du showbiz, c'est des gens comme les autres, et qu'il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont pas heureux, il y en a qui divorcent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui se marient, il y en a qui. Enfin bon, c'est comme tout le monde, quoi. Faut pas croire qu'ils sont comme dans les films. C'est pas parce que c'est marqué star sur leur front que forcément ils ont une vie heureuse ou une vie malheureuse, quoi. Ok. Attends, il y en a qui est en train de se foutre. Il se marre, là, je voudrais. C'est quoi, là ? Non, c'est ce qu'on te demandait, si tu connais ce qu'il y avait. Est-ce que tu préfères les stars du showbiz, c'est leur queue de cheval ou pas ? Non, mais je vois pas le rapport, hein. Je vois pas le rapport. Gérard, je vois pas le rapport. T'as oublié Garcimore, je crois qu'il veut répondre. Ouais, Garcimore, pour finir. Ouais, Garcimore, tu réponds. Je passe pour le dernier, je pense que les stars des showbiz sont très heureuses. Moi, je suis très heureuse dans les tours, tac, tac, tac. Et je voudrais t'offrir, Gérard, une petite tour en direct. Pourquoi ? Oui. Pour ton talent. Est-ce que tu es d'accord pour une petite tour de magie en direct ? Oui, elle est. Non, mais bon. J'ai fait une petite tour de magie, c'est tout, hein. Alors, tu vas voir, Gérard ? Je vais disparaître de la radio 2 secondes. Ouais, ça y est, c'est bon, t'as disparu, c'est bon, voilà. Gérard, écoute, petit tour de magie, j'ai disparu. Ouais, c'est bien, disparu pour tout, voilà, merci. Avez-vous... Merde, dans votre vie, avez-vous... Ouais, dans votre vie, avez-vous croisé une star de showbiz ? Alors, on va demander à Antoine. Non, jamais, à part toi. Non, mais ça, je m'en fous, ça, je m'attendais à ta réponse. À part hein. Toi, à ton anniversaire, sinon jamais. Ouais, c'est bien s'il me semblait que t'allais répondre de moi, et puis Max, quand même. Et Max aussi, Max, François, Stéphane. Mm-hmm. Stéphane, on dirait Joe l'Indien. T'as déjà vu Tom Sawyer ? Ouais. On dirait Joe l'Indien dans Tom Sawyer. Ah, attendez, on va... Ça m'a impressionné. Bon, Sylvie, s'il te plaît, tu te calmes ou tu vas dégager ? Ça suffit, Sylvie, ça suffit. Sylvie, je sens... Je sens qu'entre Sylvie et Lucie, parce que ça peut pas être la colombe et Cécile qui disent ça, parce qu'ils ont pas de poupée qui parle. Mais il n'y a pas de poupée qui parle. Regarde, mais... Ça s'arrête. Oui, on voit que tu parles et ça s'arrête. Ah, ouais. Mais non. Non, mais comme par hasard, Sylvie, dès que tu parles, ça s'arrête. Hein. Bah, regarde, je parle. Ouais. Comme par hasard, ça s'arrête. J'ai bien l'évitation. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez réfléchir. Bon, Sylvie, s'il te plaît. Mais c'est pas moi. Oh, Lucie, bon ça c'est quelqu'un qui s'amuse et qui met une cassette en même temps quand je parle, c'est super. Alors je vais faire le tour des nanas. pendant la pause, et je vous préviens que si j'entends le même bruit au standard, j'y raccroche au nez. Alors attention à vous. Et donc je repose la question. Dans votre vie, avez-vous croisé une star de showbiz? Et on écoute Daouk Mi-R-A-T-Kou Parade. Oh là là. Punaise, ça c'est du français, mais... Et vous pouvez nous appeler au 0800-305-5000 et 0800-70-5000. N'hésitez pas à nous faire péter ce putain de standard comme j'aime. Max CD, faites-moi exploser les 24 lignes, ou sinon j'ai pas peur. Ouais, on s'éclate. Et voilà, vous venez d'écouter Duc Mier à Técoul Parade jusqu'au bout. C'est la dernière goutte. C'est italien, bien sûr. C'est italien? Bah, c'est-à-dire que je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fin de compte. Ça n'est pas grave. Donc, on récupère Antoine. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Sylvie. Rebonsoir. Rebonsoir. Cécile. Rebonsoir. Rebonsoir. Lucie. Rebonsoir. Et la colombe des îles Bagoué. Rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Donc, alors, vous avez... Elles sont gentilles, toutes ces filles-là. Ouais, ben... J'ai eu l'occasion de leur parler. C'est très, très gentil. C'est ça. Adorable. Ah, ouais, il a filé son numéro de téléphone, impeccable. Ouais. Comment, qui c'est qui vient de me sortir ça? Non, j'ai filé mon numéro de téléphone, elle a dit. À qui? À toutes les filles. Ouais, bah c'est ça, tu crois qu'il y a bon... Gérard? Oui. Je t'interromps 30 secondes, on accueille Johnny Rebel. Salut, GG. Salut, Johnny Rebel. Salut, les filles. Ah, tu te calmes, hein. Il met de l'ambiance, Gérard. Donc, Christine, on le rappelle, c'est l'ex... Merci pour celui qui s'amuse à passer ça. Donc, tout à l'heure, ça va gerber sec. Alors, dans votre vie, avez-vous croisé une star du showbiz? Donc, on va demander à Antoine. Encore? Bah oui. Dit que je ah bah, ça y est, toi. Bah oui. Alors, Johnny. Johnny. Croise-moi des stars des showbiz. J'en fais partie des showbiz. Ah, mais est-ce que t'en as déjà croisé? Je te demande. Je te demande pas si t'en fais partie. Ouais, bah bien sûr, j'en ai vu. Dans le miroir, Johnny, tu me connais pas? Oh là là là là. Tu lui demandes. Hey, tu lui dis gentiment. Oui. Je réponds à la question. Bon, quand je lui demande. Ok. Alors, Sylvie. Oui. Sylvie. Oui, moi j'ai déjà croisé. Alors, vas-y. Bah, c'est en fait Francis Lalanne. Oh, attends, c'est pas une star. Ah, Gérard, bah, tu crains. C'est pas du showbiz, il a une queue de cheval. Ah ouais, en plus. Mm-hmm. Ah, il fait trop kiffer, quoi. C'est sa queue, je crois. Et les chevals, Sylvie. Okay. D'accord. Bah, c'est pour le thème du débat, les queues de cheval. C'est pour maintenant, c'est le deuxième débat dans... Gérard, t'es chiant. Je sens que ça va gerber tout à l'heure. C'est pas moi. Arrête. Je sens que ça va c'est gerber. Sylvie, hein. C'est j'étais en train de parler. D'ailleurs, en parlant de Sylvie sur Minitel, il y a Sylvie sur Minitel aussi qui dit: Gérard, est-il vrai que Christine se prenait pour Diana quand tu l'as tirée sous le pont de l'Alma? J'y répondrai pas, ça y répondra. Ça m'a pas fait plaisir. Alors, Cécile. Oui, mon petit chou à la crème. Oui, moi j'ai déjà rencontré deux stars. Mm-hmm. J'ai rencontré Matt Dillon et Richard Anconina au Barfly. Mm-hmm. À Paris. Il y a une différence quand même. D'accord. Lucie. Oui, moi j'ai rencontré Richard Bohringer et Roman. D'accord. Une conférence. Et la colombe des îles Baboué. Bah, mis à part toi, personne. Ah bah d'accord, bah ça c'est vite répondu pour j'ai toi. Alors. Antoine, j'ai rencontré Annie Girardot et Régine. Non mais ça y est, toi, je crois que j'ai répondu avant la pause. Hein. J'ai rencontré si, mais Jacques Balutin. Le showbiz continuera-t-il encore longtemps, Antoine? Je pense qu'il y a de l'avenir dans le showbiz. Mmh, ouais, certainement, ouais. Et qu'il a un bel avenir devant lui. Ouais. Mmh. Ouais, mais comment tant ça qu'il fera des débats sur Fun Radio, je pense que... Ouais, mais ça, ouais, mais ça, de toute manière, c'était le... Bon, je sens que tout à l'heure, Sylvie, tu vas gerber. Je vais te répéter combien de fois, Gérard? Mais attention, parce que là, Gérard, ça peut être que Sylvie. Hein. J'ai l'impression. Mais vous m'en voulez, c'est pas possible. Bon, alors Sylvie, tu réponds, s'il te plaît, et on va savoir tout de suite si c'est toi. Non, mais c'est Olivier, je suis sûr que c'est Olivier. Non, c'est Olivier, il est en face de moi. Alors, toi, tout à l'heure, tu as dégagé au standard si tu dis encore un nom des gens de la radio, toi. Tu vas voir comment ça va te faire. Réponds, Gérard. Je peux répondre. Sylvie, vas-y. Bah alors moi je pense que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des stars et donc il y aura le showbiz, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Ouais, mais de toute manière, il y en a... Tu vois, c'est pas moi. Tu vois, c'est oui, toi. Ça s'arrête et que tu parles. Ouais, c'est louche. Ouais, bizarre. Bon d'accord, c'est moi, voilà. C'est toi? Non, non, c'est pas moi, voilà. C'est rare. Voilà, elle vient de l'avouer, alors. Bon, attends, c'est lui... Bon, c'est Cécile. Ouais, donc mon petit chou, tant qu'il y aura des beaux mecs comme Manu Gamin... Et tant qu'il y aura du cinéma, Hollywood, il y aura des stars. D'accord. Il y aura du show business, c'est clair. Lucie? Oui, bah moi je suis d'accord. Hein. Tant qu'il y aura des stars, il y aura des showbiz. Mais bon. D'accord. Merci. Je préviens que c'est celle ou celui qui s'amuse à dire ça, qui a une voix derrière de nana ou qui met ça sur cassette, va gerber. Ça va sauter. Bah, attends, j'ai pas la même voix que la nana quand même. Mmh. Alors, Estelle des Zimbabwe. La colombe des îles Bagouet, pardon. Oh la pauvre. Bonjour. Oh la pauvre, qu'est-ce que je vais me prendre tout à l'heure dans les yeux. Dans les oreilles. Yeux. J'ai eu peur. Bon, réponds à la question, Gérard. Oui, vas-y. Un peu comme tout le monde, ouais, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des stars. Et surtout, tant qu'il y aura des types comme toi, il y aura des superstars. D'accord. Ok, c'est sympa pour moi. Et sur Minitel, il y a attention. Âge 69 ans, qui demande est-ce que c'est vrai que c'est en se prenant une queue de cheval que t'as perdu tes dents de devant. Non, mais attends, celui-là. Laisse ton numéro de téléphone pour le deuxième débat, on va, je vais m'occuper de ton matricule, toi. Tu vas voir, mon petit âge du 69. Qui? Ah, tu vois, là, c'est qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui vient de sortir ça? C'est Sylvie, hein. Non, moi, je l'aime pas, Gérard. Bah, non, alors, si tu m'aimes pas tout à l'heure, tu vas voir, tu as gerbé vite. On aime tous Gérard, nous, les nanas, on t'aime tous, Gérard. Ouais, c'est vrai, Gérard, on t'aime tous. Non, c'est vrai. Quelle qu'on soit, on t'aime tous. Gérard, ouais, on accueille Corinne. À la place? À la place? À la place de Johnny Rebelle. Ok. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Salut, Corinne. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Corinne. Corinne, s'il te plaît, tu te lèves. Corinne, s'il te plaît, tu te lèves. Je suis de Toulouse. Et moi, je voulais dire que pour rentrer dans le milieu du show business. Non, mais attends, tu peux pas reconnaître un travelot et une nana. Non, mais c'est pas un travelot, Gérard. Non, mais. Travelot, c'est quoi? C'est quoi? Ah, Gérard, tu crains. Bon, Sylvie. Bon, Sylvie. Non, c'est Corinne. Oui, Corinne, vas-y. Non, je veux Corinne. Oui, voilà. Corinne. Je suis de Toulouse et j'aurais voulu monter sur la capitale pour être soit actrice, soit chanteuse. Est-ce que tu es belle? Oui, bien sûr que je suis belle. J'ai des talents cachés. Ouais. Le coup, ouais. Ben vas-y. Je voudrais répondre. Ouais, qui? Ouais, qui? À mon sujet. C'est Cécile. Ouais. Je voudrais répondre à Corinne. Corinne. Ouais, on t'écoute. T'écoute. Je t'aurai ta place. Ouais, attendez. Attendez, il y a un problème. Il y a un léger problème. Olivier, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Merci. Oui, Olivier, tu es d'où? Bon, allez, hop, Sylvie. Sylvie, dehors. Allez, hop. Allez, Sylvie. Une nuit, Sylvie. Sylvie, dehors. J'aurais voulu que tu me donnes tes petits conseils. Oui, moi, je vais t'en donner à Corinne. Oui, voilà, je t'écoute. Ta place est au Queen, hein, parce qu'ils font des tas de shows. J'en suis sûre, t'as ta place. Hein, bah, c'est clair. Tu m'as dit le Queen? Oui, au Queen, à Paris. Dans mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Gérard, tu peux me dire, c'est quoi le Queen? C'est une boîte de travaux comme t'es à l'heure actuelle. C'est des... Ah oui, et tout le Queen. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes avec tes deux voix. Et Gérard, t'es avec tes deux voix. Gérard, oui. T'es pas tolérant. Oui. Je suis de Toulouse et j'ai du mal à vous entendre. Bah ben c'est bien. Cécile, si je posais déjà la 9e question. Cécile, si je posais déjà là. Olivier, ça suffit, s'il te plaît. Mais Gérard, c'est tous les jeudis. Calme-toi. Hein. Ah, ça pue. C'est tous les jeudis. Tous les jeudis que tu t'amuses à me faire ça, hein. Et c'est bizarre, tu commences le premier débat, hein. C'est Max, là, pareil, là. Dis donc, arrête un peu, hein. Bonsoir, Max. Je suis de Toulouse et j'aurais voulu pas parler de chez Corinne. Pour l'instant, je pose la 9e question. Pensez-vous qu'une star du showbiz... Ta gueule, Gérard. Bon, allez, bonne nuit à tous. Non, deuxième Gérard, débat terminé pour le premier. Gérard. Oui, c'est Corinne. Allez, hop, tu me dis, Corinne. J'aurais voulu le prouver, en fait. Gérard, je pense que t'es une vraie star et mène ton débat correctement. Ah, elle a raison, Estelle. Où habites-tu? Et puis là, ça a pu le cramer, là. Gérard, il a pété. Mais c'est quoi, là? Non, mais attends, c'est quoi, là, ce double son? Oh non, ouais. Non, mais c'est pas moi. Je t'entends parfaitement. Toi, t'es Corinne. Corinne, je pose la 9e question. Corinne, tu te tais, tu répondras après. Où habites-tu, Corinne? Oh, c'est bon, elle habite à Toulouse, vu qu'il y a des saucisses. La femme de moi, c'est la saucisse de Toulouse. Elle habite à Toulouse, d'ailleurs. Alors, pensez-vous... Pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Antoine. Comment? Ouais, Lucie, je voudrais parler. Gérard, tu peux répéter ta question? Pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Alors, Antoine. Antoine. Oui, j'étais au standard avec Manu. Ouais, bah, tu te réveilles, s'il te plaît. Demandez, c'est mon numéro de téléphone, c'est PD. Bon. Comment? C'était quoi la question? Allô? Ouais. C'est quoi la question? Allô? Allô, comment t'en penses au Paris? Tu bloques tout. C'est quoi la question, merde? Mais Gérard, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Putain, t'as un problème avec les ventres. Oui, c'est quand j'ai bien voulu répondre. Bon, allez, Antoine, quand tu seras réveillé, tu reviendras. Allez, oui, bonne nuit. Voilà. Hop. Moi, je réponds. Non, Antoine, allez, hop, parce que là, moi, j'en ai ras-le-bol. Non, allez. Gérard, reviens. On accueille Johanna. Gérard, avant que tu fasses répondre tout le monde, on accueille Johanna. À la place. À la place de Sylvie. Salut, Johanna. Bonjour, tout le monde. Salut, Johanna. Ça va, Johanna? Ben, ça va très bien, merci. Et toi, et Gérard va bien? Je vais pas regarder ce matin. Il est en pleine voix. Corinne, réponds à la question, s'il te plaît. Non, mais c'est bon. Tu te dénudes. Eh ben, tu te dénudes, tu vas voir Manu. Tu vas voir Manu, il va te dénuder, lui. D'une drôle de façon. Tu pourrais répéter la question. Alors, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Alors, vas-y, Johanna. Le temps qu'on dépucelle Corinne. C'est pas rare. Bah tout à fait, elle peut faire voir son ventre quand elle va prendre sa douche, qu'elle enlève ses vêtements. Oui. Non mais sur scène, Olivier s'il te plaît. C'est Dieu. Tu es dans une cave ou quelque chose qui s'en rapproche? Non, il est dans une. Non mais sur scène. Minute, c'est qui? C'est Gérard. Ouais, mais attends, Cécile, pour un sens, je demande à Johanna. Alors, 5 minutes, s'il te plaît. C'est moi. Bon, allez, vas-y, accouche, Johanna. Ouais, bah écoute, je t'ai dit qu'on pouvait voir son ventre, tout à fait. Et on peut voir le tien? Non. Pourquoi? Olivier, ça suffit, s'il te plaît. Cécile. Bah oui, mon petit chéri, Qui c'est qui vient de dire l'escu? J'espère que c'est pas Johanna, hein. Bah non. Qui c'est qui vient de dire l'escu? Merci, Olivier. C'est Sylvie. Non, Sylvie, elle donc, est partie. Je réponds, Gérard. Bah alors, vas-y. Mon petit chéri. Ouais, bah, doucement, donc, hein, s'il te plaît. Donc, les stars du show business, on montre bien leurs fesses, hein, donc le ventre, il n'y a pas de problème. Attends, sur scène. Sur scène, j'ai jamais vu le mec, il a jamais fait voir son froc, il a fait voir son torse, ça oui. Mais les nanas, attention, oui. Attention, hein. Pas toutes, hein. Je dirais, je citerai pas de nom pour certaines nanas que je connais pas. Ah ouais. Lucie. Oui. Non, je pense que ça les dérange pas de montrer leur ventre. D'accord. Tira, oui. On accueille Gontran. À la place. Bonsoir, Gontran. À la place d'Antoine. Bonsoir, Gontran. Ah, c'est toi, ta gueule. Bon, ça commence à bien faire, là. Vous restez poli, là. Bonsoir, tout le monde. Salut, Gontran. Bonsoir, Gontran. T'as un nom ridicule. Ouais, je sais, mais c'est pas moi qui choisis. Donc, t'as entendu la question? Bah non, je viens d'arriver, là. J'étais en train de composer le numéro, là. Et je viens d'arriver direct. Oh là là, punaise. Eh, mais avant d'appeler, écoutez les questions que je répète pas. Merde, ça commence à être lourd, hein, chaque fois, tous les jeudis. Alors, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre pour Gontran pour la troisième fois je pose la question? Non, le deuxième. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui. C'est-à-dire? Si la star a envie de montrer son ventre, qu'elle la montre. Et s'il a pas son ventre? Pourquoi les stars n'auraient pas le droit de montrer leur ventre? Oui, mais un détail, il faut qu'ils mettent un cache-nombril, parce que c'est quand même indécent de montrer son nombril. Ouais, mais à ce moment-là, si elle pue du nombril, c'est non, non, mais attends, Gontran. Qui c'est qui a dit qu'il faudrait qu'elle prenne son nombril? C'est Johanna. Ouais, mais attends, Johanna. Maintenant, à l'heure actuelle, les trois quarts des stars, hein, que ça soit des nanas, ou même peut-être pas les mecs encore, je pense pas en avoir vu, mais il y en a certaines nanas, au lieu de... qu'elles fassent voir leur nombril maintenant, elles mettent un piercing au nombril. Ouais, c'est vrai, quoi? Ouais, trois quarts. Je peux te dire une chose, que c'est pas... Merci, Olivier. Olivier, s'il te plaît, là. Quoi? Olivier, s'il te plaît. Gérard, on t'entend plus. Gérard. Olivier, bon, arrête de faire l'enfant, on t'entend pas. Hein? Gérard. C'est toi qui t'amuses avec les boutons. D'accord. Donc alors je vais quand même citer un nom parce que je pense que tout le monde l'a vu dans le courant de la semaine dernière à la télé. Donc c'est pour répondre à la question à Johanna et après je vais demander à Estelle ce qu'elle pense de la question que j'avais posée ainsi qu'à Gautran. Donc Johanna, je vais te dire une chose, qu'il y en a une qui peut voir son nombril avec un piercing et celle-là s'appelle Séverine Ferrer si tu l'as déjà vu. Elle est une vraie salope, c'est la pétasse, cette pétasse. Ah non, vraiment. Vous connaissez pas. Alors Estelle. Oui. Donc si tu pouvais répondre à la question. Merci Olivier. Là Olivier, ça commence à bien faire. Arrête de crier, Gérard, on t'entend plus. Hein, ça commence à bien faire avec ton double son là. Cela, c'est toi qui joues. Et moi je trouve que Séverine Ferrer, elle a un peu la gueule d'un Pékinois. Dépêche-toi. Moi, c'est une porte. Donc alors Estelle. Oui. Eh ben écoute, si on te considère comme une star, moi étant donné que je t'ai vu pour la première fois sur scène et que tu m'as montré ton torse et ton nombril, ben oui, je pense que oui. Hein. Ouais, ça... Ah Gérard, tu crains. Bon Lucie, si c'est toi, tu as dégagé. Gérard, si, c'est Gérard. Oui. Gérard, mon petit chou, c'est Cécile. Oui, maintenant Cécile, Estelle, elle a quand même pas fini. Estelle, elle a toujours pas fini parce qu'il y en a une. Excuse-moi Estelle. Non, mais en fait, j'avais terminé Gérard. Gérard. Ce que j'ai dit. On accueille un nouvel auditeur, là. Ah, bonjour, nouvel auditeur. Bon. Salut, l'inconnu. Mec. Salut, on peut savoir ton nom? Moi, je passerai pas. Voilà. Est-ce qu'on peut t'appeler monsieur Yves Sebastian, d'accord? Est-ce que je peux t'appeler petit PD? Bon, allez, hop, dixième question. Alors, est-ce qu'on peut t'appeler grosse salope? Et Gontran, il a pas répondu, GG. Gontran. Je réponds à la question? Oui. Je viens de composer le numéro, donc j'ai pas eu malheureusement. Oh non, mais je répète plus la question. Hein, c'est attends, mais tu te fous du monde, toi. Bon, oh, si t'es pas content, tu retournes au standard, d'accord? Non, mais je parle à l'anonyme, là, à la Cognito. J'ai une question. Chef de la loco. Gérard. Gérard. Qui dit la loco? Eh ben, toi, tu viens de le dire. Tu penses de l'émission de Max, la Technomax? Non, mais c'est pour le thème du débat. Si, mais il faut qu'on sache. Inconnu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, bon. J'ai adoré. Gérard, t'arrêtes de jouer, ça se passe. Ouais, bah attends, tout à l'heure, il y en a qui vont dégager au standard, je le sens. Grosse touche. Bon, allez. Alors, la dixième question. On se calme, là, celle qui jouit. Allez, moi, Lucie, bonne nuit. Lucie, bonne nuit. On peut montrer le nombril à partir du moment. Voilà. On peut montrer le nombril à partir du moment qu'on a. C'est bien parce que ça fait trois nanas. Oh Gérard, tu écoutes pas filier au moins. Connu, Gérard. Comment ça s'appelle une bague déjà au nombril là? Un piercing. Un piercing. Une boucle d'oreille. Un piercing. Le piercing est nécessaire. Un piercing. Oui, le piercing. Ouais, un piercing. Oh, ça va. Piercing. Alors le piercing. Oh, il le prononce à l'anglais, Gérard. Ouais, d'accord. Gérard. Ouais. 20 minutes, on va passer à la dixième là. Qu'est-ce qu'on pense du piercing? Pas de le montrer au star. Gérard. Moi j'aime beaucoup le pudding. Moi non, pas du tout. Bon, allez, dixième question. Avec une cup de tea. Gérard. Oui. Si je voudrais poser une question. Oui. Je voulais savoir si tu devais. Oh, attends, Pierre-Henri, tu restes poli ou Gontran, vous restez poli là. Gérard. Ah, téléphone. Téléphone. Tu vas là. Vite, Gérard, parce que j'ai grave envie de chier. Eh ben, tu vas chier, tu reviendras demain. Ta chemise sera faite. Gérard. Oui. Donc, je voulais savoir si tu devais faire un piercing sur le corps, où ça que tu ferais? Là, je te dis tout de suite, je m'en ferai jamais faire un parce que ça fait trop mal. Moi, je peux te le faire. Non, mais si tu devais en faire un, où est-ce que tu aimerais qu'il soit? Nulle part. Ah, si, sur la poitrine, c'est beau pour aller. Ouais, moi, je pense qu'un piercing sur le téton, ça serait génial. Non. Sur la langue. Moi, j'en ai un, ça ne fait pas mal. Alors, citez cinq noms d'une star du showbiz que vous aimez. Alors, je vais prendre chacun votre tour, vous allez me citer vite fait. Pierre-Henri. Moi, mon préféré de tous, c'est forcément Sim. Pour son humour, sa délicatesse et sa classe. Non, mais vas-y, parce que. Je trouve qu'il est un peu devant toi. Allez. Au niveau de la classe et de l'odeur. Ouais. J'ai eu l'occasion de le côtoyer. Ah. Ensuite, j'aime beaucoup Philippe Bouvard. Ouais. Parce que je trouve que c'est un grand homme. Attendez, on verra. En quatrième, je mettrais Stéphane Collaro, que je peux d'ailleurs vous imiter si vous le désirez. Vas-y. J'en ai une bonne. Bon, allez, tu me sors celui qui a de la musique. Hop, la musique dehors, tant pis pour lui. Gontran. Oui, alors. Cinq noms d'une star que tu aimes. Top chrono, Riri, Fifi, Loulou, Clarabelle, Pim Pam Poum. Oh, quel talent. D'accord, on va. Celui-là, j'ai rien compris, c'est pas grave. Johanna. Ouais. Johanna. Le docteur Carter, le docteur Green, le docteur Ross, le docteur Weaver et le docteur Hans Poe. Docteur Moore. Ouais. D'accord, c'est rien que des stars d'une série télévisée qui passent sur France 2. Et docteur Jivago, alors. Ouais, c'est bon, toi, je t'ai pas sonné. Bon, il a pas répondu. Ouais, bah alors vas-y, l'inconnu. L'inconnu est une star. Alors, l'inconnu, d'abord, les stars drôles. Alors, débat Gérard de Surette. Ouais. Ouais, dépêche-toi. Diffoul de Skyrock. C'est ça, vas-y. Allez. Maurice de Skyrock. Bill de Rock. Allez. Éric Jean-Jean d'Energie. Tu me sors l'inconnu, tu me sors l'inconnu, il n'a pas besoin de citer toutes les radios. Bonne nuit, l'inconnu. Réponds à tes questions, Gérard. Cécile. Non, non, mais sans citer d'autres adieux. GG, Cécile. Oui, je réponds, mon petit chou. Donc, en premier, le doc de Fun Radio. Ah, très drôle. Mmh. Louis Funès, Bourville, Fernandel et Gérard de Suresnes. D'accord. Et c'est bien parce que tu le mets en dernier. Mais pétasse. Non, mais je sais très bien que Gérard. T'es vraiment une pétasse avec moi, Gérard. Ça fait deux pétasses déjà. T'es vraiment une pétasse Gérard, avec moi. Gérard, garde toujours le meilleur pour la fin. Ouais, ouais, c'est ça. Merci Gérard. En parlant du meilleur. En parlant du meilleur, sur Minitel, il y a une question. Est-ce vrai que GG a sorti une cassette qui s'appelle « Comment prendre son pied avec ses cotons-tiges » C'est ça, bonne nuit à lui. Et voilà. Pour finir... Gérard ? Oui ? S'il te plaît, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut écouter ce que l'inconnu a à dire là parce qu'il est en train de parler ? Non, mais l'inconnu, pour l'instant, je lui ai demandé qu'il sorte. Oh, oh. Gérard d'Europe 1. Voilà, c'est ça. Pour... Attends, je crois que Manu va essayer de zapper l'inconnu. Bon, et sur France Culture. T'es tout seul, l'inconnu, je crois. Ouais, j'ai l'impression, hein. L'inconnu ? Je suis... Oh, Manu, s'il te plaît, tu te réveilles, là ? Manu, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train, je cherche. Ouais, non, mais t'es en train de chercher, mais pour l'instant... Je suis sur une ligne spéciale. Il s'est trompé, il a zappé tout le monde sauf l'inconnu, il s'est trompé. Mais Technomax, c'est un bon moment d'émission, on va pas te trouver, bravo. C'est nul, Technomax. Non, alors, bon, allez, de toute manière, lui, s'il continue, il va pas finir. À mon avis, c'est une connerie que t'es en train de me faire, toi, derrière. Et pour finir, Estelle, comme Estelle, elle a pas répondu. L'inconnu, tu t'écrases, s'il te plaît, hein, merci. Oui, donc Gérard, je te réponds. Non, mais je m'écraserai après quand je serai caca. L'inconnu, tu t'écrases, s'il te plaît. Merci. Alors, Estelle. Oui. Donc, à toi. Bon, bah, moi, je dirais en premier, toi. Mmh. Bon, tu mets Johanna, Johanna, Cécile en attente. Et j'ai rien fait, moi. Non, pour l'instant, je suis en train de chercher. Je voudrais savoir qui c'est qui s'amuse à faire le bruit d'une femme. T'as retiré qui, là? Là, j'ai retiré Lucie. Ah, voilà. Ah, mais non, c'est pas moi. Ah, c'est alors, Estelle, donc, tu disais. Ouais, je disais en premier, toi. Mmh. En deuxième, je dirais Anconina. Ouais. En troisième, je dirais Depardieu. Ouais. En quatrième, je dirais Jean-Marc Barre. Voilà, qui c'est qui a un portable? C'est pas moi, Gérard. Gérard, il y a un L à portable. Gérard, ça te dirait de me sucer? Bon, allez, tu dégages. Donc, tu t'en étais à qui, Estelle? En quatrième, je dirais Jean-Marc Barre. Ouais. Et en cinquième, bon, j'en sais rien. Encore toi. Ok, bah c'est bien. Deux fois. Technomax, c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Bon, allez, tu me sors Gautran, Pierre-Henri et l'inconnu. Allez, vous faire rien dit, Gérard. Montre-moi ton gant. Bon. Dernière question. Ah ben non, vous voulez peut-être que je vous réponde mes 5 noms. C'est bien, comme ça, j'ai pas le droit de répondre. C'est bien. Merci à vous. Caméra pour le deuxième. Je pose, je dirais, je répondrai pas non plus aux questions. Allez, vas-y. Non. Pensez-vous qu'une star Allez, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Alors, c'est quoi tes 5 à toi, préfère? Gérard. Oui. Attendez, laissez Gérard dire ses 5 préférés. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est vrai qu'il volait 10 francs dans le porte-monnaie. Bon, celui-là, tu me le sors, celui-là pour le bon. J'essaie de couper, j'arrive pas. Alors, donc tes 5 préférés. Bon, Gautran, tu t'écrases aussi, s'il te plaît. Allez, réponds, Gérard, c'est quoi tes 5? Ricky Martins, Guy Montagnier, Jean-Luc Lahaye. Ouais, la haie d'honneur, Gérard, la haie d'honneur. Joe Dassin et Phil Barnet. On va mettre un bis de Joe Dassin après. Et dernière question. Et Gérard, il n'y a pas que c'est Johanna. Hein? Il n'y a pas de star féminine? Non. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Diana, quand elle est morte dans le sous-tunnel. Bon, alors lui, c'est bien bonne nuit. Tu me vires, Gautran. Non, c'est l'inconnu. L'inconnu, tu me le vires. Je ne veux pas savoir d'où qu'il sort, lui, tu essayes de le trouver. Et tu le vires, c'est pas parce qu'il doit passer sur tout le monde. Bon, alors, conclusion du débat. Ah, il y a marqué sur Minitel, il y a Clint qui dit que Gérard se ferait des pipes sous le pont de l'Alma depuis que Diana est morte, ça lui ramène du monde. Eh ben, celui-là, il va se faire foutre, il raccroche sur Minitel, ça lui coûtera moins cher de te dire des conneries comme ça. Alors, dernière question et après, c'est la conclusion. Il est 2 heures, comme ça, on va pouvoir attaquer le deuxième. Un petit pitchoun. Tu gères bien. Et pensez-vous qu'une star risque sa vie avec ses fans? Avec ses fans. Avec ses fans. Avec ses fans. Avec le Bambi. Ouais, ceux qui ont l'habitude d'aller les voir sur scène lors des concerts. Quel rapport avec Bambi. Hey, t'essayes de... Faut essayer de me trouver l'inconnu qui s'est mis à passer sur tout le monde. Là, ça y est, il est parti, il est parti. Ouais, bon, je l'ai trouvé, je l'ai dégagé. Bon, Anna, je peux répondre? Oui. Bah écoute, moi Stéphane, l'alcoolo, je l'aime bien. Mmh. Je trouve qu'il parle un peu trop tout le temps, tu vois. Mmh. Et puis qu'il devrait arrêter d'insulter Max, quoi. Ouais, bah ça, t'inquiète pas, à chaque fois, il rappelle le lendemain pour dire, oh, bah, excuse-moi, j'avais trop bu. Mais à mon avis, je crois qu'il avait trop bu de Beaujolais, la veille, ouais, hein. Non, c'est clair. Même le soir même, parce que, pour avoir dit ce qu'il a été dire hier, mercredi soir à l'antenne, je vais te dire une chose que... Ça m'a pas fait plaisir. Parce que j'étais en haut et... Il y a Tony sur Unitel qui dit que les 5 préférés de GG sont le pont de l'Alma, Lady Di, la sodomie, les chats de la loco et les contre-tiges dans le cul. C'est ça, ben, c'est bien pour ce qu'il dit. Donc, Joanne, alors Cécile, pour toi. Mon petit lapin en sucre, ben, je dis que... oui. Les stars risquent leur vie, hein, parce qu'on a un exemple, par exemple, John Lennon. Hein. Mm-hmm. Ouais, il a risqué sa vie, tu connais, Gérard? Non, c'est John Lennon. Hein. Gérard, John Lennon, abruti. John Lennon, c'est John Citron. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. John Lennon, des Beatles, c'est connu, on dit vie, John Citron. Ouais, ouais, c'est ça. Gautran, tu te tais, s'il te plaît. Avance un peu son débat. Ouais, bah Pierre-Henri, tu te tais, s'il te plaît. Non, c'est John Citron. Bon, bah alors, c'est bon. Alors, comme que. Bon, c'est bon, donc t'as répondu Gautran, ça t'apprendra. J'ai rien dit, Pierre. Bon, alors, Gautran. Gautran, s'il te plaît. Bon, ça commence. Bon, les conclusions. Allez, hop, conclusion, la dernière question, elle est vite bâclée. Conclusion. Et tout le monde n'a pas répondu, Gérard. Ah ouais, mais attendez, quand j'entends un bruit comme ça commence à m'énerver. Bon, tu me sors Pierre-Henri et Gautran, allez, hop. Attendez, je masque en faux, je n'ai rien dit. Bon, bah tant pis. Aussi en faux. Donc, voilà, tu réponds là, la 11e. Alors, la question était de savoir si les stars risquaient leur vie, c'est ça? Oui. Je pense que Gérard, lorsqu'il sort de la radio avec les fans qui le harcèlent, doit effectivement risquer sa vie et que je ne voudrais pas être à sa place. Voilà. D'accord. Non, mais Gérard, quand tu parles de fans, tu me fais rigoler parce que moi, je t'envoie des lettres à ton adresse et tu me réponds jamais. Ah ben, de toute manière, je te répondrai jamais. Hein. Je l'ai bien précisé mercredi soir. J'ai dit que je ne répondrai jamais au mec. Ça, c'est clair et net, précis. Voilà, et ben peut-être pour toi, ben, moi ça me fait bien plaisir de ne pas vous répondre. Je suis un de tes premiers fans et. Eh ben ça me fait une belle jambe, tu vois. Moi aussi, Gérard. C'est sympa, Gérard, c'est un de tes fans. Voilà, donc Johanna. Johanna. Johanna. Gérard. Johanna. Oui. Je disais, ton patron est un mec. Ouais. Donc tu vois, les mecs, finalement, c'est pas si mal. Mmh. Ouais, non, mais tu réponds à la question, s'il te plaît. Bah, je t'ai déjà répondu. Ah bon, ben Cécile aussi. Oui, c'est répondu. Donc, il reste plus que ma colombe. Il reste que moi aussi. Je vous aime, colombe. Hein. Donc, pour moi, je pense que les stars risquent leur vie dès lors qu'elles suscitent des jalousies auprès de personnes mentalement dérangées. C'est compliqué. D'accord. Et qui c'est? Il y a une bonne nana que je viens d'entendre qui a dit, moi, j'ai pas répondu, c'est qui? C'est qui, moi? C'est moi, mais je suis d'accord avec la dame. C'est la colombe. Non, mais c'est qui, ça? C'est qui, moi? C'est Lucie. Bah, Lucie, je crois qu'on avait dit dehors, elle. Non, mais je l'ai calmée, elle a été sage, là, elle est depuis tout à l'heure. Ah bon, bah alors, Lucie. Je suis d'accord avec la dame, Ascalti. Non, la dame, c'est la demoiselle, c'est la colombe. Oui, bah, moi, je ne connais pas personnellement la colombe, alors pour moi, c'est une dame. D'accord, bah, c'est ça. Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Je voulais savoir, est-ce que l'incognito pourrait nous donner sa... Non, l'inconnu, il n'est plus là. Il est parti, déjà. Donc, conclusion sur le débat. Donc, Pierre-Henri. Je pense qu'effectivement, le show business est un milieu à part. Oui. Qu'il n'est pas téléphone. Ça commence à me prendre la tête, celui qui s'amuse avec un téléphone comme ça. Ah, c'est pas moi, Gérard. Donc, Pierre-Henri. Alors, je disais donc que ce monde est un milieu à part, qu'il doit être difficile de le pénétrer. Ça, c'en est un qui s'amuse avec un gadget. Allô? Tu pourrais arrêter de téléphoner pendant tes émissions? Pour l'instant, je suis pour téléphone, je suis devant le micro. Oh, tu t'écrases, toi, Gautran, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas Gautran. Mais réponds. Bon, alors, Pierre-Henri. Tu me calmes celui qui a un téléphone, parce que ça me prend la tête. Ça va, oui, Gérard. Pierre-Henri, alors. Je voulais donc dire qu'il devait être très difficile de pénétrer ce monde. Oui. Et je t'en félicite de l'avoir pénétré ainsi. Mm-hmm. Et quand je parle de pénétration, je crois que savoir que tu sais de quoi je parle. Oh, d'accord, ben dis donc, je vois pas du tout le rapport avec la conclusion du débat. Le rapport avec le cofineuse de la banane, Gérard. Ouais, c'est ça. Gautran. Oui, ben j'ai trouvé ton débat nickel, impeccable, hein, bien à ton image. Mm-hmm. Et tu serais prié de répondre à mes lettres. Ah ben, si ça me fait plaisir, d'accord, Gautran. Alors, bonne nuit. De bon entendeur, salut. Ouais, donc tu me les retires au fur et à mesure. Hein. Donc, Johanna. Ouais, le show, c'est super bien. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Moi, je n'ai pas donné ma conclusion. Cécile, merci pour celui qui casse les verres, c'est pas grave. Cécile. Donc, moi, ma conclusion, c'est que les stars seront toujours des stars. Mm-hmm. Tant qu'il y aura des stars, il y aura du show business. Et comme disait Marilyn Monroe, mm-hmm. je crois, Gérard, que tu connais cette phrase très célèbre. There is no business without show business. Ouais. Oh, there is no business without show business. Quel accent pourri. Oh, okay. Lucie. Gérard, réponds, est-ce que t'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Est-ce que t'es d'accord avec Marilyn? Oui, avec Marilyn. Oui, c'est Marilyn Monroe, elle a dit déjà. Oui, d'accord, okay. D'accord. Ah, Lucie. Ça fait objection quand même à une femme. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lucie, oui. Conclusion, s'il te plaît. Bon, merci Olivier, s'il te plaît. Lucie, conclusion. Ma conclusion, moi j'aimerais bien faire partie. C'est quoi ce bordel là? C'est pas moi. Bon, alors vas-y Lucie, c'est je t'écoute. J'aimerais bien faire partie. Bah, je sais pas, là ils arrêtent pas, là il y en a un qui passe sur tout le monde. Là je te demande de virer. L'accident de Panama là, c'est quoi ce délire, la voiture qui a un accident là hein? C'est quoi ça? C'est qui? Ça vient d'où ça? Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas. Mais de manière, je t'ai dit de dégager, Gautran. Bonne nuit. Mais là, Gérard, le débat, c'est nul. Ouais, ben. Ouais, Gérard, il a cassé. Je vais te dire une phrase anglaise. Oh, je t'ai dit de dégager. Bon, Olivier, t'arrêtes, s'il te plaît, maintenant. Ça devient chiant, ton bordel, là. C'est vrai, Olivier. Gérard? Quoi? Agbador. Lucie, s'il te plaît. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Non, c'est Pierre-Henri. Oui, non, Pierre-Henri. Lucie, s'il te plaît, conclusion. Attends, Pierre-Henri. Je voulais juste dire, no job in the job. Ouais, bah c'est bien. Ça me fait. Je vois pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, je pense en. D'accord. Lucie, conclusion. Je suis sur le bateau anglais. Lucie, conclusion. Moi, je conclus, c'était pas génial. Hein, mm-hmm. Mais bon, ouais, Shopee, je voudrais bien faire partie. Ouais. D'accord. Et seule conclusion. Bah, je pense que le monde du showbiz est un monde particulier, qui suscite des envies auprès de beaucoup de monde, et puis bah que, mais par d'autre côté, il doit falloir être fort pour pouvoir survivre dans ce monde-là. Mmh. Okay. Eh ben moi, pour moi, la conclusion, c'est que c'est bizarre qu'à chaque fois le premier débat d'habitude se passe mieux que le deuxième. Mais j'ai l'impression que Manu, tu vas te réveiller au deuxième débat, j'espère. Je suis réveillé, Gigi là. Hein. Et Olivier de l'autre côté, pareil. C'est quoi la conclusion du showbiz? Moi, pour moi, donc là, une star restera toujours une star et c'est tout. Et toi, d'accord. Que tu es une star voilà. Alors. Non, on verra ça par la. Donc la pour suite. Toi, Jean-Luc Lahaye, par exemple, c'était une star, ça reste une star pour toi, même si c'est bah, plus rien. Bah, on l'entend plus beaucoup, mais bon, bah, désolé, hein, il a fait quand même partie des stars du showbiz, il chantait. Justement, là, tu as dégagé, je t'ai pris de ne pas revenir dans le deuxième débat, merci. Et pour la conclusion sur Minitel, il y a l'inconnu qui est sur Minitel et qui dit que maintenant, c'est à cause de Coton-Tige qu'il aurait eu un accident sous le pont. C'est ça. Et celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça de l'inconnu, bah, moi, je l'emmerde. Voilà. Ouais. Et donc, pour finir, on attend avant d'attaquer le deuxième débat. Gérard, oui, Gérard, oui. Gérard, oui. Je voulais te dire, qu'à Fun Radio, quand même, il y avait deux grandes stars. Hein. Deux immenses stars, il y a Marie et moi. GG Suren. Et j'avais une petite objection à faire. Donc, c'est une déclaration solennelle. Ouais. Dans l'affiche L'Esprit Fun, qui est super génial, pourquoi tu n'y es pas puisque t'es une star? C'est pour moi qui ai décidé de poillette, c'est tout. Ah, hein, c'est la direction. Donc voilà. Pourquoi tu n'y étais pas? Bah, c'est la direction qui a décidé comme ça. Hein. Donc on va écouter de nouveaux galas et je vous retrouve pour le deuxième débat qui portera sur les queues de cheval. À tout de suite.